mais je soigne ça. Je prends soin de moi. Je soigne ça, j'essaye de m'améliorer. Thank you. Thank you. That is so nice. We gel like that. Cool.